Marco Douiman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 7 juin 2019, voici les grands titres de cette édition. La question des enfants en situation de rue préoccupe les députés, d'autant plus qu'aujourd'hui on les remarque même sur les chefs-lieux des communes. Ces députés ont posé la question ce jeudi au ministre des Droits de l'Homme. Reportage à suivre dans cette édition. Et la politique du Charrois Zéro, initiée par le gouvernement en 2013, a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Des acquéreurs illégitimes, des sommes colossales d'argent représentant des impayés. Le gouvernement actuel s'est saisi de la question dans son conseil des ministres. Vous entendrez les précisions du secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Prosper Naouamouye. Le choléra refait son apparition en zone Kanyosha de la mairie Bujumbura et dans la province de Chivitoke, alors qu'en province Bubanza, les cas de paludisme augmentent, si bien que le médecin directeur de la province sanitaire de Bubanza a initié des cliniques mobiles. On fera le point sur tous ces cas dans ce journal. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour. Plus de 30 véhicules obtenus dans le cadre de la politique du Charrois Zéro sont détenus par des personnes illégitimes. Cela ressort du rapport de l'Office burundais des recettes OBR présenté dans le Conseil des ministres de ce mercredi. Prosper Naouamouye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, regrette que la situation de 17 bénéficiaires illégitimes ait échappé à la vigilance de la commission qui était chargée de cette question. De plus, sur plus de 800 véhicules distribués, seuls plus de 460 bénéficiaires légitimes ont honoré leurs obligations. Suivez plutôt Prosper Naouamouye, porte-parole du gouvernement. Ce rapport fait état des résultats de l'enquête menée par l'Office burundais des recettes sur la mise en exécution de la politique de Charrois Zéro. Il ressort des résultats de cette enquête que 146 bénéficiaires de contrats de vente ont payé un montant de 694 600 000 francs bon. 469 bénéficiaires légitimes et réguliers ont honoré leurs obligations contenues dans les contrats de prêt avec le gouvernement et payé un montant de 4 milliards 40 millions 185 000 francs bou. 66 bénéficiaires légitimes sont irréguliers dans l'exécution de leurs obligations contenues dans les contrats de prêt. Parmi eux, 38 ont payé un montant de 251 907 505 francs bou sur 601 975 000 francs bou dus et le montant restant dû est de 350 067 495 francs bou tandis que 28 n'ont rien payé sur 188 575 000 francs bou dus. 31 détenteurs illégitimes n'ont ni contrat de prêt ni contrat de vente des véhicules qui sont dans leurs mains. Ces véhicules avaient une valeur d'expertise de 300 673 318 francs bou. 14 d'entre eux auraient déjà payé la totalité du montant dû, soit 181 633 318 francs bou. Pour les 17 restants, les enquêteurs n'ont pas eu leur contact pour savoir leur situation. Le montant qui aurait dû être recouvré pour cette catégorie est de 119 millions 40 000 francs bou. Prosper Naouamouye précise qu'un délai de 3 mois a été donné aux bénéficiaires en situation irrégulière pour régler la situation, alors que les acquéreurs illégitimes doivent remettre ces véhicules. Suivez encore une fois Prosper Naouamouye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, et nous devons ces éléments sonores à nos confrères de la Radio Nationale. La note propose, entre autres, que les véhicules qui étaient concernés par la politique de Charrois Zéro, mais qui n'ont pas eu de preneur, soient remis à la commission chargée de la vente des biens privés de l'État en vue de leur vente aux enchères. Pour ce qui est des attributaires illégitimes des véhicules, il faut leur exiger de remettre les véhicules dans le parc automobile de l'État. Un délai de grâce de 3 mois a été accordé à toutes les personnes en situation irrégulière pour régulariser leur cas. Passé ce délai, il a été demandé à la justice d'agir dans le sens du recouvrement pour qu'il soit clôturé d'ici la fin de l'année 2019. En attendant, il a été ainsi demandé que ce dossier soit transféré au ministère de la Justice sans délai. C'était donc des extraits du compte rendu du Conseil des ministres de mercredi, lu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Prosper Naouamouye. Les habitants de la capitale Bujumbura qui ont acheté des cahiers falsifiés et ceux dont les cahiers de ménage sont pleins sont appelés à en acheter de nouveaux que la mairie de Bujumbura met à leur disposition. Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, rassure que ces cahiers de ménage sont fabriqués de sorte qu'ils sont difficiles à imiter. Il tranquillise que le prix reste le même. Je vous propose de le suivre. Il était au micro de Moïse Misago. Et je voudrais par là vous expliquer les spécificités qu'on trouve dans ce cahier de ménage. D'abord, il y a des indications en filigrane de la mairie de Bujumbura qui se trouvent dedans. Il y a aussi une partie arrière où les coopératives qui font l'enlèvement des immondices devront signer et que le propriétaire de la maison doit aussi contresigner pour que demain, s'il doit payer, il y ait une traçabilité de l'enlèvement. Quand est-ce que ces cahiers seront disponibles au sein de la population ? Nous avons commencé l'impression de ces cahiers de ménage. Je crois que la commune Hangwa, on est en train de servir là-bas. Et les autres communes vont poursuivre après l'impression. Donc, je pense avec le mois de juillet, tous les cahiers de ménage seront disponibles dans les zones. Il est vrai que les contrefacteurs ont toujours des façons de tricher. Le nouveau cahier de ménage se trouve des indications en filigrane qui font que cette spécificité se remarque. Pour dire que celui qui va imiter ne pourra pas avoir le même cahier exactement. Donc, il y aura moyen de déceler. Les ménages qui ont acheté les récents cahiers et pour le moment, vous mettez encore au sein de la population d'autres nouveaux cahiers de ménage. N'est-ce pas une lourdeur au sein de la population qui est minée par la pauvreté? Je voudrais préciser d'abord que le prix reste le même. Un ménage qui a gardé son cahier intact va regarder jusqu'à ce que les pages se terminent pour s'approvisionner à nouveau. Donc, ceux qui sont concernés, ce sont ceux qui ont des cahiers piratés, ce sont ceux qui, leurs cahiers, les pages ont été remplies, et ceux qui ont des cahiers simples, ceux-là devraient absolument acheter le nouveau. Oui, effectivement, vous savez que le mouvement de la population, quand tu n'as pas ta propre maison, tu es obligé de déménager, tu quittes une commune vers une autre, ça se fait, mais en quittant, vous vous faites inscrire de nouveau dans l'entité administrative nouvelle. Donc, si vous quittez Mukasa pour Nahangwa et que Nahangwa a son propre cahier de ménage, tu devrais aller voir le chef de quartier et le chef de quartier tiendra en compte en consultant votre cahier de ménage, en y mentionnant que tu viens de déménager et cela ne cause pas de problème. Freddy Mbonima, c'est le maire de la ville de Bujumbura. Les députés de la Chambre basse et du Parlement se disent inquiétés par la présence des enfants dans la rue, qui jadis étaient signalés au chef-lieu des provinces, mais qui sont aujourd'hui observés même au chef-lieu de certaines communes. Lors des questions orales ce jeudi à l'Assemblée nationale, ils ont demandé au ministre de la Solidarité nationale l'état d'avancement de la politique de réinsertion des enfants de la rue. Le ministre concerné a répondu que c'est un processus qui continue. On fait le point avec Evariste Nzikobanyanga. La commission permanente chargée des affaires sociales à l'Assemblée nationale indique que les enfants de la rue se multiplient de plus en plus au chef-lieu de certaines provinces du pays. Le député Adolphe Banyikwa, président de la dite commission, a demandé au ministre en charge de la solidarité ce qui doit être fait pour éradiquer ce fléau. Très récemment, les autorités municipales, en collaboration avec les partenaires, ont pris la décision de retourner ces enfants dans leur province d'origine. Ces enfants sont encore visibles dans les rues des chefs-lieux des provinces. Qu'est-ce qui doit être fait pour éradiquer ce fléau ? Les députés trouvent également que les enfants de la rue sont visibles au chef-lieu des communes. Le député Denise Ange Kamere donne l'exemple de la commune Gitarani en province Muyinga. J'ai pu rencontrer certains de ces enfants de la rue au chef-lieu de la commune Gitarani. Ils sont âgés entre 8 et 14 ans, constitués d'orphelins de père et de mère. Les autres indiquent que leurs parents ont fui vers le Rwanda et la Tanzanie et que même les propriétés ont été toutes vendues. Ces enfants sont vraiment dans une situation déplorable. Le ministre Martin Ivzabandi, en charge des droits de l'homme et de la solidarité nationale, indique que la politique de réinsertion des enfants de la rue a connu des réussites et des échecs. Processus à poursuivre, a-t-il dit. Cela fait déjà une année que l'on travaille sur ce sujet en collaboration avec trois ministères. Pendant cette période, on a pu rassembler plus de 3000 enfants de la rue et un millier d'adultes. Après évaluation, le constat a été qu'il y a ceux qui retournent dans la rue à une moyenne de plus de 5%. Cela étant, la SOGEPAE qui lutte pour les droits de l'enfance au Burundi a indiqué qu'il faudrait que tous les acteurs en la matière puissent conjuguer les efforts pour la réussite de cette politique. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les cas de paludisme deviennent de plus en plus nombreux dans la province de Bubanza, où les lits sont devenus insuffisants dans certains hôpitaux par rapport aux patients. Le médecin directeur de la province sanitaire de Bubanza explique que certaines mesures sont déjà prises, comme l'installation des cliniques mobiles et la sensibilisation sur l'usage des moustiquaires. Docteur Joël Bigirimana déplore cependant le fait que certaines personnes ne se font pas soigner à temps. Spécialitas Kavanyana. Le nombre de personnes atteintes du paludisme dans la province sanitaire de Bubanza la semaine passée et qui se sont faites soigner dans les structures de soins reconnues est de 12 341 selon les rapports disponibles au bureau provincial de santé. Le médecin directeur de la province sanitaire de Bubanza explique que le nombre de cas de paludisme ne cesse d'augmenter depuis bientôt un mois. Pendant la semaine du 20 au 26 mai, 6544 cas ont été enregistrés dans les district sanitaire de Bubanza et Manda. Certains responsables sanitaires disent que le nombre de lits dans les hôpitaux devient de plus en plus insuffisant par rapport aux patients et que certaines mesures sont déjà prises pour essayer de rabaisser le nombre de cas de paludisme dans les communautés. C'est par exemple l'installation de 20 cliniques mobiles, 10 dans le district sanitaire de Bubanza et 10 autres dans le district sanitaire de Manda. Ici, les responsables sanitaires vont soigner les patients tout près de leur domicile et cette méthode a augmenté le nombre de personnes qui se font soigner selon le docteur Joël Bigirimana, médecin directeur de la province sanitaire de Bubanza. Aussi, des séances de sensibilisation sur le bon usage des moustiquaires sont souvent organisées. Les responsables sanitaires indiquent aussi que la population doit dégager les brousses et les étangs d'eau autour des maisons d'habitation. Le médecin directeur de cette province sanitaire de Bubanza recommande à la population de se faire soigner à temps, puisqu'on a déjà constaté qu'il y en a qui sont faits soigner dans un état très critique. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spescap. Maintenant sur Rumonge, plus de 75 000 enfants ayant un âge compris entre 6 mois et 59 mois. Ceux âgés entre 1 an et 14 ans, estimés à plus de 181 000, ainsi que plus de 14 000 femmes enceintes du deuxième au troisième trimestre, sont attendus pour être vaccinés ou déparasités dans la province de Rumonge. Ce sera lors de la semaine santé mère-enfant prévue au Burundi du 18 au 21 juin courant. Docteur Jean-Claude Ndikumasabo, médecin provincial de Rumonge qui donne ces chiffres, appelle les parties prenantes à une forte mobilisation pour la réussite de cette campagne. Jean-Pierre Misago. À côté de la diffusion des messages de sensibilisation en faveur de la vaccination et le rattrapage pour les enfants qui seront reconnus non ou insuffisamment vaccinés, trois catégories de personnes sont concernées par la vaccination et le déparasitage prévu au courant de cette semaine, comme l'indique Jean-Claude Ndikumasabo, médecin provincial de Rumonge. Il y aura également l'administration de l'albendazole chez les femmes enceintes au troisième trimestre de la grossesse. Il y aura également l'administration de la vitamine A chez tous les enfants de 6 à 59 mois. Il y aura également l'administration de l'albendazole chez les enfants de 1 à 14 ans. Pour réussir, les parties prenantes à réunion à Rumonge ce jeudi sont appelées à en informer la population. Il faut que tout le monde, y compris l'administration, les organisations, les journalistes, la santé, puisse s'impliquer et à donner des messages positifs en faveur de la vaccination. Il faut que les ménages aient une information en rapport avec la vaccination. Comme ça, une fois informés, je crois que les familles vont adhérer à la vaccination de leurs enfants. Au cours de cette semaine, Santé Mère Enfant prévue du 18 au 21 juin courant et qui est couplée à la 9e semaine africaine de vaccination, la population cible est appelée à répondre au rendez-vous dès le début de la campagne pour éviter d'éventuels désagréments de dernière minute. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. L'actualité, c'est également le choléra qui affecte les collines Marambo et Munika de la commune Rugombo en province Cibitoke. 4 cas sont déjà signalés et ces cas seraient causés par le manque d'eau potable rapporté sur ces collines. Cette situation est aussi confirmée par Célestin Dayahose, médecin du district sanitaire de Cibitoke. Firmin Haoumouremi, conseiller de l'administrateur chargé des questions administratives et sociales, demande aux concernés d'approvisionner cette localité en eau potable et appelle la population à construire des latrines. Elini Bel Nibigira. Les collines qui connaissent les cas de choléra sont Munika et Marambo. Par conséquent, une réunion a été organisée ce jeudi où le conseil administratif et social, Clément Habumuremni, a exigé toute sa population d'avoir des latrines. Les habitants de ces collines, quant à eux, disent détenir de latrines. Selon eux, la question réside sur le manque d'eau potable, regrettant qu'ils utilisent des eaux de la rivière Nyakagunda. Nous buvons les mêmes eaux. Nous puisons l'utiliser pour la vaisselle, la lessive. Et lorsque les robinets sont secs, nous préférons la bouillir pour enfin boire. Nous buvons ces eaux et sont utilisées dans les ménages. Lorsqu'on n'a pas d'eau potable, quel serait notre recours? Nous n'avons que cette eau de la rivière à notre disposition. Le médecin du district sanitaire de Cibitoke reconnaît le manque d'eau que connaissent ces localités. Docteur Célestin Dayahose ajoute aussi l'absence de latrines chez certains ménages. Suite à cette épidémie de choléra signalée en commune Rugombo, surtout sur les collines Marambo 1, Marambo 2 et Munika 1, nous avons décidé de tenir une réunion urgente pour ceux qui ne détiennent pas de latrines. On a promis de prendre cette question au sérieux et des sanctions à leur encontre, puis les exiger à construire des latrines convenables. Que ce soit ses habitants ou que ce soit les responsables administratifs et sanitaires dans cette province, tous demandent l'approvisionnement de ces contrées en eau potable. Eline Belenivigira et le ministère de la Santé publique reconnaît l'existence des cas de choléra dans les zones urbaines de Cibitoke et Kanyosha en mairie de Bujumbura lors du conseil des ministres de mercredi. Et selon le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, le ministre Tade Nikumana recommande à la régie des eaux de fournir de l'eau suffisante dans ces quartiers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à réaliser ce journal. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. La question des enfants en situation de rue préoccupe les députés. D'autant plus qu'aujourd'hui, on les remarque même sur les chefs-lieux des communes. Ils ont posé la question ce jeudi au ministre des Droits de l'Homme. Et la politique de Charroi Zéro, initiée par le gouvernement en 2013, a été entachée de beaucoup d'irrégularités, des acquéreurs illégitimes, des sommes colossales d'argent représentant des impayés. Le gouvernement s'est saisi de la question dans son conseil de mercredi. Vous avez suivi les précisions du secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Et vous venez de l'entendre, le choléra refait son apparition en zone Kanyosha de l'Amérique Bujumbura et dans la province de Cibitoke, alors qu'en province de Bubanza, les cas de paludisme augmentent, si bien que le médecin directeur de la province sanitaire de Bubanza a initié des cliniques mobiles. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimana.